les nébuleuses. À qui donc parles-tu, flocon lointain qui passe? À peine entendons-nous ta voix dans les espaces. Nous ne te distinguons que comme un nimbe obscur au coin le plus perdu du plus nocturne azur. Laisse-nous lui ramper, nous, blancheurs des ténèbres, mondes, spectres éclos dans les chaos funèbres, n'ayant ni pôle austral, ni pôle boréal. Nous, les réalités vivant dans l'idéal, les univers d'où sort l'immense essaim des rêves, dispersés dans l'éther, cet océan sans grève, dont le flot à son bord n'est jamais revenu. Nous, les créations, îles de l'inconnu. L'infini, l'être multiple vit dans mon unité sombre. Dieu, je n'aurais qu'à souffler et tout serait de l'ombre. Ici s'achève la légende des siècles de Victor Hugo.